بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الرابع عشر في تفسير كتاب الله تعالى Bienvenue ô mes frères et sœurs dans ce cours Bienvenue, ô mes frères et sœurs, dans ce cours numéro 14, dans l'explication dans le tafsir du livre d'Allah Ta'ala. Fanastamir fi surati Abasa. On continue donc dans le tafsir exégèse de surat Abasa. Wa wasalna ila qawlillahi Ta'ala fi suhufim mukarrama. Et nous sommes certes parvenus à la parole d'Allah Ta'ala. Lorsqu'il dit dans le sens rapproché, lorsqu'il dit fi suhufin mukarrama, aïe, c'est-à-dire que ces versets sont consignés dans des feuilles honorées. Elles sont donc dans des feuilles honorées. Marfu'ati mutahara, élevées et purifiées. Bi'aidi safara. Entre les mains d'anges. Entre les mains d'anges. Dans certaines traductions, vous avez d'ambassadeurs et dans d'autres traductions, vous avez scribes. On verra ça, inshallah ta'ala, dans le tafsir. Kiramin barara. Et donc, ces anges qui sont nobles et obéissants. Qutila al-insanu ma akfara. Que périsse l'homme, qu'il est ingrat. Min ayyi shay'in khalaqa. De quoi Allah l'a créé? De quoi Allah, à partir de quoi Allah l'a-t-il créé? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. D'une goutte de sperme, il l'a créé. Et ensuite, il a déterminé. Thumma sabila yassara. Puis, il lui a facilité la voie. Thumma amatahu fa akabara. Puis, il lui a donné la mort. Puis, il lui donne la mort. Et l'enterre et le place dans... Il le place dans son tombeau. Thumma idha sha'a anshara. Puis, lorsqu'il veut, lorsqu'il le voudra, il le ressuscitera. Fa qawlullahi ta'ala fi suhufin mukarrama. Et donc, lorsque Allah Ta'ala il nous dit fi suhufin mukarrama, dans des feuilles honorées. أي أن هذه الآيات وهذا القرآن في صحف معظمة عند الله. Et donc ces versets et ce Coran sont dans des feuilles qui sont honorées auprès d'Allah Ta'ala. قال البغوي يعني اللوح المحفوظ. البغوي il nous dit que ce qui est voulu par là c'est les tablettes protégées, préservées. مرفوعة مطهرة. Et donc, elles sont élevées, purifiées. فَهَذِهِ السُّحُفُ رَفِيعَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ اللَّهِ. Et donc, ces parchemins, ces feuilles, ont un rang élevé auprès d'Allah. وَقِيلَ إِنَّهَ مَرْفُوعَةٌ أَيْ فِي السَّمَاءِ. Et il fut dit que ces parchemins, ces feuilles sont élevées, c'est-à-dire qu'elles sont au ciel. وَالْقَوْلَيْنُ صَحِيحَانِ. Et les deux avis sont corrects. Donc que ces parchemins, ces feuilles sont au ciel, elles sont élevées. Et aussi, donc, elles ont un rang élevé auprès d'Allah Ta'ala. Amma qawluhu mutahara. Tandis que lorsqu'Allah dit mutahara, elles sont purifiées. Mutaharatun min ad-danas wa min ash-shayatin. Et donc ces feuilles ces parchemins sont purifiés de toute impureté et purifiés des diables. وقد قال الله تعالى في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون. Et Allah Ta'ala, il dit concernant اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون. Il n'y a que ceux qui sont purifiés, qui ont été purifiés, qui les touchent, qui le touchent. بأيدي سفرة. Entre les mains d'anges. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure que dans certaines traductions du Coran, vous allez trouver entre les mains de scribes. Dans d'autres, vous allez voir entre les mains, donc, d'ambassadeurs. قال بعض العلماء إن الملائكة سميت سفرة أي كتبة فالسفر هو الكتاب والسافر هو الكاتب. Certains savants, ils ont dit que les anges ici dans ce verset, ils ont été appelés safara. Safara, c'est-à-dire kataba, les scribes, ceux qui écrivent. Pourquoi? Parce que le mot as-sifr, c'est ce qui signifie le livre. As-sifru, c'est le livre. Was-safiru, c'est celui qui écrit. Et safara, c'est le pluriel de safir. Et donc les anges qui écrivent, donc les scribes. Wa qala akharun al murad bi safara al wusata. لأن الملائكة وسطاء بين الله وبين عباده. فالسفير واسطة. Et donc, d'autres savants ils nous disent que ce qui est voulu par là, c'est que les anges sont des intermédiaires entre Allah et ses serviteurs. Parce que le mot « safara », ils disent « safara », c'est le pluriel de « safir ». Et « safir », c'est, comme on peut dire donc, l'ambassadeur ou celui qui est un intermédiaire. Celui qui est un intermédiaire. Et donc les anges sont des intermédiaires entre nous et Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc le mot safara, qui peut être le pluriel de safir, scribe, celui qui écrit, et il peut être le pluriel aussi de, donc de safir, l'intermédiaire. وقد بينا في دروسنا أن أهل الملل أجمعوا على إثبات الوسائط بيننا وبين الله في التبليغ. Et certes, nous avons montré durant nos cours que les gens de toutes les religions sont unanimes sur le fait qu'il y a des intermédiaires, sur le fait d'affirmer les intermédiaires entre Allah et ces créatures, entre Allah et nous, dans la transmission de la révélation. Et que celui qui rejette donc ces intermédiaires entre Allah et ses créatures, celui qui rejette ces intermédiaires, il aura mécru selon toutes les religions. Comme l'a cité Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. أما في العبادة فليس هناك واسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى ومن أثبت واسطة بين الله وبين خلقه في العبادة فقد كفر. Par contre, dans l'adoration, il n'y a pas d'intermédiaire entre Allah et ses créatures. Et celui qui va affirmer un intermédiaire entre Allah et ses créatures dans l'adoration, celui-ci l'aura mécru. فهؤلاء الملائكة وسطاء بيننا وبين الله يكتبون أعمالنا ويحفظونها. Et donc ces anges sont des intermédiaires entre nous et entre Allah Azza wa Jal. Ces anges vont écrire, inscrire nos œuvres, ce que nous faisons, les recenser et les enregistrer. والله تبارك وتعالى عالم بما يفعله عباده حينما يكتب الملائكة وقبل ذلك. Mais Allah Ta'ala, il est très savant de ce que ses serviteurs font pendant que les anges ils inscrivent, mais aussi avant. Avant même que les anges inscrivent ce que les serviteurs font. Allah, il le sait déjà. ثُمَّ وَصَفَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْمَلَائِكَ. Ensuite, Allah, il a décrit les anges et il a dit كِرَامٍ بَرَرَ. Noble, obéissant. فَهَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى أَحْسَنِ خِلْقَةٍ وَخُلُقٍ. Et donc les anges ont été créés de la meilleure des façons. Les anges, donc, ont été créés de la meilleure des façons et ont le meilleur comportement. وَهُمْ كَثِيرُ الْفَضْلِ. Et les anges ont beaucoup de mérite. Wal khayr, ils font beaucoup de bien. Wa min dhalika annahum yusabbihun al-layla wan-nahar la yafturun wa la yastakbirun. Et parmi les éléments qui montrent que les anges ont beaucoup de bien, le fait qu'ils glorifient Allah Ta'ala jour et nuit, ne s'en prennent pas d'orgueil et n'arrêtent pas. Ne cessent pas. Allah Ta'ala qui dit وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ لَا يَفْتُرُونَ. Et à lui appartient ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et ceux qui sont auprès de lui ne s'en prennent pas d'orgueil quant à son adoration. Il ne s'en lasse pas. Il le glorifie jour et nuit. Et ne s'estompe pas. Ensuite, Allah Ta'ala qui dit Qutila al-insanu ma akfara. Que périsse l'homme. Ou alors certains savants nous disent que l'homme soit maudit, qu'il est ingrat. قالت العلماء اي لعن الانسان. Donc les savants ils disent, comme je vous ai dit, l'homme, que l'homme soit maudit. والايات الاخرى تبين ان المؤمنين يستثنون من هذا العموم. Et les autres versets du Coran nous montrent que les croyants ne font pas partie de cette généralité. Les croyants ne sont pas maudits, comme on peut le voir dans les autres versets. Ceux qui bénéficient des paradis, sous lesquels coulent des ruisseaux. Et donc les croyants ne sont pas maudits. Et ce n'est pas eux qui sont voulus par ce verset. Wa qala ba'du ahli al-'ilmi anna isti'mal al-'umum huna yufid an akthar bani adam yakfurun. Et certains savants, ils disent que la généralité qu'il y a dans ce verset, elle montre que la majorité des descendants de Adam mécroient. La majorité des descendants de Adam vont mécroire. Akhraj al-Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. أن الله تعالى يقول لآدم يوم القيامة أخرج من ذريتك بعث النار فيقول يا رب وما بعث النار قال من كل ألف سبعمائة وتسعة وتسعين. البخاري ومسلم cité dans leur recueil selon Abi Sa'id al-Khudri رضي الله تعالى عنه, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dira à Adam au jour de la résurrection, fais sortir parmi ta descendance ceux du feu. Alors il dira à Adam, ô Seigneur, et qui sont ceux du feu, où sont-ils? Alors Allah Ta'ala il dira, donc de chaque mille, pour chaque mille personnes, ils sont 999. Pour chaque 1000 personnes, 999 au feu. وهذا الحديث يدلنا على أن أكثر أهل الأرض يكفرون بالله. Et ce hadith, il nous montre clairement que la majorité des gens de la terre mécroient en Allah Ta'ala. Mais dites mon frère, vas-tu encore suivre la majorité? Vas-tu suivre la mode? Hein? Les casquettes, les vêtements, etc. Suis la mode, allez, suis. La majorité des gens de la terre, ils mécroient en Allah Ta'ala. La majorité, ils sont voués au feu. Et on suit la majorité encore. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. فإذا رأيت أن أقاربك لا يقبلون الإسلام فلا تيأس واعلم أن أكثر الخلق يكفرون. Et donc si tu vois que tes proches ils n'acceptent pas l'islam, ne désespère pas, continue. Adopte le bon comportement, continue à les appeler à l'islam. Et sache que la majorité des créatures, la majorité des êtres humains, mais croient. Amma qawlullah ta'ala, ma akfara. Tandis que la parole d'Allah ta'ala, lorsqu'il dit ma akfara, comme il est ingrat, قيل ما استفهامية والمعنى ما هو الذي حمله على الكفر. Certains savants ils disent que ce qui est voulu par là c'est une question. Une question ici. Qu'est-ce qu'il est donc comme il est ingrat, ce n'est pas comme il est ingrat qui est voulu ici, mais plutôt qu'est-ce qui l'a poussé à cette mécréance? Qu'est-ce qui l'a poussé à cette ingratitude envers son Seigneur? وَقِيلَ إِذًا يَعْنِي عَجَبًا لَهُ كَيْفَ كَفَرَ مَعَ أَنَّنَا أَعْطَيْنَاهُ كُلَّ شَيْءٍ. Et il fut aussi dit l'ajab. Donc, l'étonnement. En sachant que l'étonnement pour Allah Tabaraka wa Ta'ala n'est pas l'étonnement pour la créature. Car Allah Ta'ala, il sait tout. Et donc, ce qui est voulu par là, comment peut-il mécroire après tout ce que nous lui avons donné? Et donc, soit, qu'est-ce qui l'a poussé à mécroire? Soit, comment peut-il mécroire après tout ce que nous lui avons donné? Wal kufru aqsam. ومنه كفر النصارى في عبادتي غير الله معه. Et il y a plusieurs types de mécréances. Parmi les types de mécréances, il y a la mécréance des chrétiens, par exemple, dans le fait d'adorer autre qu'Allah avec lui. ومنه إنكار البعث. Et parmi les types de mécréances, il y a le fait de rejeter la résurrection. وأنتم تلاحظون أن الله تعالى رد كثيرا على هؤلاء الذين كذبوا بالبعث فيما رأيناه من تفسير هذا الجزء من القرآن. Et vous pouvez remarquer que Allah a beaucoup répliqué à ceux qui rejettent la résurrection dans les différents passages que nous avons vus de l'exégèse de cette 30e de ce 30e juz du Coran. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il dit min ayyi shay'in khalaqa. À partir de quoi il l'a créé? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. À partir d'une goutte. Une goutte de sperme, il l'a créé et ensuite l'a déterminé. Ay anna Allah ay anta ayyuha al-insan. Min ayyi shay'in khuliqt. C'est-à-dire, ô toi l'être humain, à partir de quoi tu as été créé? Elam tukhlaq min adam. N'as-tu pas été créé de rien? Thumma sirta insanan. Fa kayfa takfuru bil ba'th. Tu n'étais rien du tout et ensuite tu es devenu un homme. Comment peux-tu rejeter la résurrection ? فخلق الله تعالى فخلق الله تعالى هذا الإنسان من هذه النطفة من ماء الرجل يجتمع بماء المرأة. Et donc Allah Ta'ala, il a créé l'être humain de cette goutte de sperme de l'homme qui provient de l'homme et qui se mélange au liquide de la femme. Faqaddara, alors il l'a déterminé, c'est-à-dire qaddarahu fi atwar, c'est-à-dire que Allah l'a déterminé, a déterminé l'homme en plusieurs étapes. Notfa, tout d'abord une goutte, thumma alaqa, ensuite une adhérence. فمن قدر هذه الأطوار للجنين في بطن أمه؟ Qui a déterminé ces différentes étapes du fœtus dans le ventre de sa mère? Qui a déterminé toutes ces étapes? هل الإنسان Est-ce que l'être humain, c'est lui qui fait ça? Tu n'as aucun impact sur l'enfant qui est dans le ventre de sa mère. C'est toi qui as déterminé les différentes étapes? Et qui préserve cet enfant dans le ventre de sa mère? Qui le préserve? Thumma sabila yassara. Et ensuite, la voie, il lui a facilité. Ta'ammali Abdallah. En Allah yassara li hadha at-tifl at-tariq lil khuruj min batn ummi. Médite, ô serviteur d'Allah, le fait que Allah Ta'ala a facilité à cet enfant le fait de sortir du ventre de sa mère. Il lui a montré la sortie. Est-ce que c'est toi qui lui as montré comment sortir? Qui lui a montré? Cet enfant qui ne connaît rien. Il est ignorant. Qui lui a montré comment sortir? Thumma yadulluhu ala fadyi ummihi yashrabu min labaniha. Ensuite, Allah Ta'ala, il lui facilite encore. Et lui montre comment utiliser les seins de sa mère pour s'abreuver de son lait. Maintenant, la vie yadullu tifla ala hadha. Qui montre à l'enfant cela? Qui lui montre? Hal minna ahad allama waladahu kayfa yashrabu min labani ummihi aw huwa amrun wada'ahu Allah fi bani Adam. Est-ce qu'il y a parmi nous un seul qui a enseigné à son enfant comment boire du lait de sa mère? Ou alors c'est quelque chose que Allah a placé chez l'être humain? C'est quelque chose que Allah a placé comme ça chez l'être humain. Wa fi hadha min awdah al bayan ala da'f al insan wa annahu la yastahiq al ibada. Il y a dans cela aussi un éclaircissement clair qui montre que l'être humain est faible et qu'il ne mérite pas l'adoration. كيف نعبد رجلا كان ضعيفا في بطن امه ثم خرج من فرجها وهو ضعيف يفتح فاه لثدي امه يشرب اللبن وهو محتاج اليه. Comment pouvons-nous adorer un être humain qui était faible dans le ventre de sa mère, puis qui est sorti du ventre de sa mère, qui est sorti par les parties intimes de sa mère, en étant faible, en ouvrant la bouche pour récupérer le lait de sa mère depuis sa poitrine, pour boire ce lait, s'en abreuver parce qu'il en a besoin. Comment pouvons-nous adorer quelqu'un qui est dans une telle situation? Comment est-ce qu'on peut adorer quelqu'un qui est passé par cette étape? Cela nous montre la faiblesse, la forte faiblesse. Et nal'ukul, où sont les raisons? Ayyuhan nasara, oh les chrétiens, raisonnez. ثم تأمل يا عبد الله في كون الله يسر لك الأمور في حياتك بل أكثر من ذلك يسر لك السبيل إلى الجنة. Ensuite, médite, ô serviteur d'Allah, comment Allah t'a facilité toute chose dans ta vie d'ici-bas. Mais plus que cela encore, comment Allah t'a facilité la voie qui mène au paradis. Médite sur cela. فَأَرْسَلَ إِلَيْكَ الرُّسُلُ وَأَنْزَلَ الْكُتُبُ. Allah a envoyé vers toi les prophètes. Il a envoyé vers nous les prophètes et a fait descendre les livres. فَكَيْفَ تَكْفُرُ بِذَلِكَ. فَكَيْفَ تَكْفُرُ بَعْدَ ذَلِكَ. Comment peux-tu mécroire après cela? Ensuite Allah Ta'ala qui dit ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقَبَرَهُ. Et ensuite, il le fait mourir. Il le fait mourir. Et il le place sous terre, dans son tombeau. فَاللَّهُ هُوَ الَّذِي يُمِيتُكُ وَلَيْسَ لَكَ أَن تُؤَخِّرَ هَذَا الْأَجَلِ الَّذِي قَدَّرَهُ اللَّهُ لَكُ. Et donc Allah, c'est lui qui te donne la mort. Et tu ne peux pas retarder ce terme qu'Allah a déterminé pour toi. ثُمَّ أَكْبَرَ الْإِنسَانِ فَكَرَّمَهُ. Et ensuite Allah Ta'ala met cet homme sous terre, dans son tombeau. Allah Ta'ala, il va donc honorer l'être humain même après sa mort. L'être humain est honoré même après sa mort. Il est placé sous terre. Et n'est pas... Et donc Allah l'a distingué des autres animaux qui sont laissés, délaissés et jetés au bas-côté de la route. Comme on peut le voir parfois, la route, sur la route. Allah Ta'ala a honoré l'être humain. Ensuite Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ. Puis lorsqu'il veut, alors il le ressuscite. لِيُجَازِيَهُ عَلَى مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ. Allah ressuscitera les êtres humains pour les rétribuer en fonction de ce qu'ils ont avancé comme œuvre. On arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Et demain, on continue donc l'exégèse de Surat Abasa. وَفَّقَ اللَّهُ الْجَمِيعِ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَهُ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.